J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Suite des dépêches envoyées depuis Le Caire au directoire exécutif par le général en chef Bonaparte, 6 Thermidor en 6. Après la bataille des pyramides, aux citoyens directeurs. Plus de 400 chameaux chargés de bagages, 50 pièces d'artillerie sont tombées en notre pouvoir. J'évalue la perte des Mamelouks à 2000 hommes de cavalerie d'élite. Une grande partie des Bey a été blessée ou tuée. Mourad Bey a été blessé à la joue. Notre perte monte à 20 ou 30 hommes tués et à 120 blessés. Dans la nuit même, la ville du Caire a été évacuée. Et le 4, nos troupes sont entrées au Caire. Le Caire, qui a plus de 300 000 habitants, a la plus vilaine populace du monde. Après le grand nombre de combats et de batailles que les troupes que je commande ont livrées contre des forces supérieures, je ne m'aviserai point de louer leur contenance et leur sang-froid dans cette occasion, si véritablement ce genre de guerre tout nouveau n'avait exigé de leur part une patience qui contraste avec l'impétuosité française. S'ils se fussent livrés à leur ardeur, ils n'auraient point eu la victoire qui ne pouvait s'obtenir que par un grand sang-froid et une grande patience. La cavalerie des Mamelouks a montré une grande bravoure. Ils défendaient leur fortune et il n'y a pas un d'eux sur lequel nos soldats n'aient trouvé 300, 400 ou 500 pièces d'or. Tout le luxe de ces gens-ci était dans leurs chevaux et leur armement. Leurs maisons sont pitoyables. Il est difficile de voir une terre plus fertile et un peuple plus misérable, plus ignorant et plus abruti. Ils préfèrent un bouton de nos soldats à un écu de 6 francs. Dans les villages, ils connaissent même pas une paire de ciseaux. Leurs maisons sont d'un peu de boue. Ils n'ont pour tout meuble qu'une natte de paille et 2 ou 3 pots de terre. Ils mangent et consomment en général fort peu de choses. Ils ne connaissent point l'usage des moulins, de sorte que nous avons constamment bivouaqué sur des tas immenses de blé sans pouvoir avoir de farine. Le peu de grain qu'ils convertissent en farine, ils le font avec des pierres. Et dans quelques gros villages, il y a des moulins que font tourner les bœufs. Nous avons été continuellement harcelés par des nuées d'Arabes qui sont les plus grands voleurs et les plus grands scélérats de la terre, assassinant les Turcs comme les Français, tout ce qui leur tombe dans les mains. Le général de brigade Mireur et plusieurs autres aides de camp et officiers de l'état-major ont été assassinés par ces misérables. Le général Mireur, malgré les représentations de la grande garde, seul, par une fatalité que j'ai souvent remarqué accompagner les hommes qui sont arrivés à leur dernière heure, a voulu se porter sur un monticule à 200 pas du camp. Derrière étaient 3 bédouins qui l'ont assassiné. La République fait une perte réelle. C'était un des généraux les plus braves que je connusse. Il y a dans ce pays-ci fort peu de numéraires, beaucoup de blé, de riz, de légumes, de bestiaux. La République ne peut pas avoir une colonie plus à sa portée et d'un sol plus riche. Le climat est très sain parce que les nuits sont fraîches. Malgré 15 jours de marche, de fatigue de toute espèce, la privation absolue du vin et même de tout ce qui peut alléger la fatigue, nous n'avons point de malade. Le soldat a trouvé une grande ressource dans les pastèques, des espèces de melons d'eau qui sont en très grande quantité. L'artillerie s'est spécialement distinguée. Je vous prie de faire payer une gratification de 1200 francs à la femme du citoyen Larré, chirurgien en chef de l'armée. Il nous a rendu au milieu du désert les plus grands services. C'est l'officier de santé que je connaisse le plus fait pour être à la tête des ambulances d'une armée. Signé Bonaparte.